élégant. Mandant à la suite de l'ambiance, qui dit mieux? Voilà, et Mouna Massounou, Jean Doumbel, le bon, le beau garçon de bonne famille. Quand Bilangé nous sont canés, Malomi, Oye Winnie Tenga, Oye Malo Amoumi, Oye Winnie Tenga, Mama, Oye Loma Moto Bounia, Emile Bilangé. Oh, Samantha.